Une des choses qui a beaucoup circulé dans les médias sociaux, j'ai vu ça dans ma petite revue de presse hier, j'ai décroché un peu pendant les deux semaines de congé, mais c'est Saint-Bruno. On a beaucoup, beaucoup parlé du maire de Saint-Bruno. Qu'est-ce qui est arrivé? Ah, tu n'as peut-être pas entendu. Ça n'a pas été dans les médias trop, trop officiels, là. Okay. Mais dans les médias sociaux, là, ça a circulé. Le maire de Saint-Bruno, c'est un malade. Ah, ah oui? Ça a l'air que les gens écoutent bien, là. Parce que moi, j'ai vu ça passer, puis j'ai dit, hey, on va faire une recherche. Hey, j'ai des codes sonores à faire entendre. J'ai toute la preuve de ça. Il y a un documentaire. Ça a l'air que le maire de Saint-Bruno, en banlieue de Montréal. Oui. Les citoyens arrivent au micro pour poser des questions. Tu sais, ouais. Des citoyens honnêtes, bien posés, bien ben respectueux sûrement. Là. Monsieur le maire de Saint-Bruno, j'aimerais savoir mon compte de taxe, comment ça se fait qu'il est aussi... La police! Ah ouais, les policiers, dehors! Hein? Il met dehors! Un faux, t'as dit un faux! Tiens, moi, j'ai entendu parler de ça un peu. Il y a eu des jokes là-dessus un peu, là. Puis là, à un moment donné, des médias sociaux, ça s'est emballé. Vu que j'ai dit, tiens, m'en aller sur le blog de Pat Lagacé, de la presse. Il l'a. Il y a un documentaire. M'en faire entendre des extraits, 15 minutes. Lagacé, lui, dénonce le maire de Saint-Bruno. Ça n'a pas de bon sens d'utiliser la police. Fait que, m'en faire écouter ça. Puis j'ai l'impression que moi, encore une fois, on va commencer l'année de même. Peut-être pas tant que ça, mais marginal et seul de mon bord, mais j'assume. Parce que, là, il y a tout ce qui se dit sur ce maire-là. Je sais que c'est loin. En passant, c'est loin un peu de Québec. J'ai dit, on s'en fout un peu de Saint-Bruno, mais écoutez-moi bien. Ce que je vais faire entendre là, c'est exactement les suites du printemps érable. Ah oui? Qui a été l'événement marquant de 2012, selon moi. Mm-hmm. L'autorité est aucunement respectée au Québec. Que ce soit l'autorité policière, que ce soit l'autorité d'un enseignant, d'une enseignante, ou encore d'un élu dans une assemblée. Parce que quand tu vas dans un conseil de ville, il y a quelqu'un qui est en autorité, c'est le maire, c'est toi qui l'as élu là. C'est lui pour l'instant. C'est là. Puis les conseillers, t'as autres qui runnent la réunion. Mais écoutez bien ça, comment ça se passe à Saint-Bruno. Et vous allez me dire qui a raison. J'ai l'impression que je me sens seul à matin, ça va me faire du bien si vous êtes de mon bord. Est-ce que ce sont les citoyens de Saint-Bruno qui ont raison? Parce que le maire là-bas, c'est un fou capoté, puis il appelle la police, il met dehors. Ça pourrait-tu être l'inverse? Ça pourrait-tu être que les citoyens, un peu comme des carrés rouges, là, ont pris exemple ces carrés rouges, puis là, ils veulent tout runner, puis il n'y a plus aucun respect de l'autorité. J'en dis pas plus, à vous de juger. Voici donc une réunion du conseil municipal de Saint-Bruno, non loin de Montréal, qui s'est tenue récemment. Voici le premier intervenant. D'abord, c'est spectaculaire, là. Il y en a sorti 5. La police ont sorti 5 citoyens de cette assemblée de conseil municipal. On va vous en faire entendre. C'est tout dans le documentaire. Tu vois tout ça. Voici le premier citoyen expulsé. Le premier bout, là, il faut être attentif. On le réécoutera peut-être 2 fois, là. Mais le reste, vous allez voir, c'est bien, bien clair. On écoute la première cote, Jean. On y va. Si moi, je me retournais... Non. Je veux la première cote, là. Dans l'ordre, là. OK? C'est pas de la transparence, vous pouvez parler comme vous voulez vous asseoir. Je veux m'asseoir quand moi, je veux vous m'asseoir. Mm-hmm. Mon père est décédé, là. La date aujourd'hui, le 10 décembre, c'est lui qui avait le droit de me parler. Je suis Monsieur l'agent, vous avez monsieur, ne correspond pas au maintien de l'homme. Alors, ça, c'est le premier citoyen expulsé. Lui, il dit au maire, au début, je sais pas si vous l'entendez, il dit, hey. Il y a quelqu'un de décédé, là. Parce qu'il est debout. Il se lève debout. Okay. En pleine assemblée, il se lève. Ouais. Puis il dit, hey, il y a personne qui va me dire quand est-ce que je me rassois. Personne. Puis en passant, il y a juste mon père qui doit me parler de main. Parce que le gars, il demande, il dit, rassoyez-vous, puis fermez-vous, là. Le gars avait pas le droit de parole. Il est pas au micro pendant la période des questions. Okay. Il est dans la salle. Il se lève, puis il parle. Puis, 99% des gens que j'ai vus au Québec prennent pour ce citoyen-là. Tout le monde dénonce le maire de Saint-Bruno. Il n'y avait pas d'affaire à appeler la police, mettre dehors. Il dit, on va le réentendre parce qu'il n'est pas clair. Écoute, la première phrase que tu vas entendre, c'est, je suis debout, si on l'a sorti l'extrait comme faux, là, puis il n'y a personne qui va me dire de me rasseoir. Puis il y a juste mon père qui a le droit de me parler, moi. C'est pas de la transparence, vous pouvez parler comme ça, vous voulez m'asseoir. Je veux m'asseoir quand moi, je veux m'asseoir. Mon père est décédé, là. La date aujourd'hui, le 10 décembre, c'est lui qui avait le droit de me parler. Monsieur l'agent, vous avez personne. C'est moi qui va décider quand est-ce qu'on va me rasseoir. On est rendu là au Québec. Moi, je trouve ça épouvantable. Non pas ce que ce gars-là dit, la réaction de tous les Québécois, de Pat Lagacé en passant par... sont toutes contre le maire de Saint-Bruno. Ils sont tous du bord des citoyens. Le gars, il dit, personne ne va me rasseoir. Personne! Il allait revendiquer quoi, lui? Qu'importe. On sait cause. Pas. S'il y en a une cause, il peut la défendre. Il peut appeler dans tous les médias. Il peut faire une marche, une pétition. Qui se présente, lui. Qui se présente contre le maire. C'est ça, la démocratie. Mm-hmm. Mais attendez, je me fâche. Mais vous allez voir le reste, là. C'est parce que là, vous avez peut-être dit, oh, Butch, je capote pas, c'est un citoyen. Non, ça s'en pas arrêté. C'est pas juste ça? Non, non, ils n'ont sorti 5 par la police. Alors ça, c'est le premier. Tu vois les éléments de non-respect de l'autorité, d'anarchie, de garde, on run tout. Moi, je me revoyais dans les rues de Montréal encore pendant le printemps érable. Personne va me dire de me rasseoir. Mieux juste mon père. Le deuxième. Écoutez bien, à un moment donné, lui, il se pogne encore avec le maire, puis il arrête pas de parler. Fait que le maire, à un moment donné, il demande de se rasseoir. Et vous allez l'entendre dire une phrase qui est extrêmement révélatrice. Écoutez ça. Hey, encore une fois, vous le démontrez, là. Faites la preuve, faites-moi expulser. Je vais être le deuxième. C'est une bouffonnerie, monsieur. Tiens, voilà. La police arrive. Les agents de police rentrent. Monsieur! Attention, là. Votre ordre, vous nous recevez de mon mandataire. Et mon mandataire, j'ai pas dit de faire sortir le monde qui n'était pas d'accord avec lui. Monsieur, je vous dirai une chose. Quand l'autorité du politique est obligée de... As-tu vu ce qu'il dit à la fin? À la fin, il dit, « Hey, j'y ai pas dit au maire de me sortir de là. J'y ai pas dit au maire, c'est moi qui décide quand est-ce que je sors. » Le gars, il prend parole des citoyens, puis il décroche pas. Puis le maire, il demande de s'en aller s'asseoir, puis il veut pas. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? 670-9330, s'il y en a d'autres qui disent. 670-9330. Quelles sont les autres options du maire pour faire en sorte que la réunion se poursuive? Il y a un gars qui se lève dans la réunion, c'est pas à lui à parler, il se met à parler, puis il dit, personne va me rasseoir. Si t'appelles pas la police, tu fais quoi? L'autre qui veut pas, lui, c'est moi qui décide, j'ai pas dit au maire de m'expulser, il m'a t'en fait entendre un troisième. Regardez bien en plus comment ça devient vulgaire. Comment il tutoie le maire. Écoutez bien ça. C'est dégueulasse que tu fais là. Madame la policière, de quel côté voulez-vous que je sorte? Je t'attendais. C'est pas là, mes amis. Ah non. On s'est enculé, Asti. C'est ça qui se passe. Lui, là, si j'ai bien compris, tout le monde est de son bord. L'agacé, puis les autres à Montréal, c'est ça. C'est ça maintenant. Fais enculer, asti, puis toi, il tutoie l'élu qui est là. En passant, le maire de Saint-Bruno, là, on n'a rien à foutre, je le connais pas. C'est un bon maire, un mauvais maire, j'ai rien à voir là-dedans. Vous allez dire, t'as peu, le contenu, bout, ça n'a rien à voir. Si vous l'aimez pas, présentez-vous, faites des pétitions, allez dans les journaux, fêtez-le, tant que vous voulez, je m'en sacre, c'est ça la démocratie. Vous l'aimiez pas, Charest, c'est comme les carrés rouges qui aimaient pas Charest, ou le monde qui aime pas le maire de Saint-Bruno, dans quoi il est impliqué, dans quoi il a fait, je m'en sacre. Il y a des règles. Le combat, quand tu mènes un combat, que ce soit contre Charest, le maire de Saint-Bruno, un autre, il y a des règles. Ben, au Québec, en 2012, les règles ont disparu. C'est l'anarchie, c'est le citoyen qui décide, puis c'est vulgaire. Puis... Ça sent le mot d'ordre, par exemple. Ça sent des personnes qui ont une cause en commun, qui sont allées la défendre à l'hôtel de ville, la manière qu'ils ont choisi. Je peux pas dire que je suis vraiment d'accord. Mais non, ils font un show, puis ils attendent rien que ça. Et que ils la sont police, allés revendiquer ça. Quoi? Ils ont quasiment l'air de des manifestants professionnels. Les carrés rouges d'un rue à Montréal, là, qu'est-ce qu'ils attendaient en faisant du vandalisme et du grabuge? Qu'est-ce qu'ils souhaitaient? Que la police les ramasse, ça fasse des belles images à la TV, puis que là, qu'ils fassent un show avec ça. Ils attendaient juste ça, que la police les ramasse. C'est organisé, ça. Ben là, c'est rendu d'un conseil municipal. En passant, c'est pas des... En termes d'âge, là, c'est des citoyens plus âgés, tout ça, qui ont l'air d'être des travailleurs, là. Mais ils font la même stratégie. Ils font un show, et ils attendent que la police les ramasse, et ils ne respectent aucunement l'autorité. Comment que tu l'aimes pas, lui, qui est là? C'est lui qui run la réunion. On va faire entendre un autre citoyen... qui est pas dans le conseil municipal, lui, il jase dans le documentaire après. Écoute bien son raisonnement. Si moi, je me retournais et je demandais aux policiers, s'il vous plaît, monsieur ou madame la policière, pouvez-vous, s'il vous plaît, sortir l'élu qui ne répond pas à mes questions et qui ne remplit pas son mandat de conseiller ou de maire? Je pourrais pas. Je n'ai pas cette autorité-là. Pourquoi est-ce que ça va juste d'un côté? C'est incompréhensible. Et... Ben non, tu l'as pas, innocent. Tu l'as pas, l'autorité. Son raisonnement, c'est « Hey, le maire a pas d'affaire à me sortir avec la police. Moi, je peux pas sortir le maire avec la police. » Ben non! C'est pas toi qui préside l'assemblée. Il y a une assemblée et il y a un président. Maudite merde. J'en reviens pas que je suis tout seul. C'est sur les médias sociaux, je te le dis, puis partout où ça a spiné cette nouvelle-là, tout le monde dénonce le maire de Saint-Bruno. Ils sont tous du bord des citoyens. Moi, je regarde ça, voyons! Mais il y a un président d'assemblée, c'est lui qui distribue le temps de parole. Mmh. C'est lui qui dit aux citoyens, lors de la période des questions, pose ta question, puis quand c'est fini, c'est fini. Et là, tu t'en vas à ta place. Mais là, Saint-Bruno, il se passe peut-être de quoi, là? Ils ont peut-être une bonne... Honnêtement, leur cause est peut-être bonne. Sur le fond, je le veux même pas le savoir. Mais quand même, il y a des... les règlements sont là. Même affaire, moi, dans les rues à Montréal, que vous soyez en faveur ou pas des carrés rouges, moi, c'était sur la forme, tu ne peux pas fighter comme ça. C'est une vingtaine de membres du regroupement de citoyens pour la sauvegarde de la forêt des hirondelles. Ils veulent pas qu'on coupe des arbres. Des oiseaux. La forêt alors, s'appelle la forêt des hirondelles, mais... Des oiseaux, la forêt verte, ça c'est des le amis. Ça sent le développement résidentiel. Des amis, puis... des calinos. Ah, mais je m'en sens qu'ils ont peut-être raison, pareil. Peut-être. Bien sûr, moi, dans ce monde-là, c'est pas... Mais ils ont peut-être raison, OK? Peut-être moi, un beau boisé, peut-être le seul dans lequel là-bas, je connais pas la place. Moi, essayer d'être le plus, honnêtement, là, d'être... objectif. Ouais, objectif. Quand même qu'il aurait raison, Caroline. C'est pas de même que tu te comportes. Quel exemple pour les jeunes, hein? Penses-tu que les enfants de ce monde-là, là, penses-tu que ces parents-là, ils ont probablement des enfants, peuvent dire à leurs enfants, à l'école, écoute ton prof. Quand le prof dit, assis-toi, ils voient le parent faire, il y a personne qui me dit quand est-ce que je vais m'asseoir. L'autre, voilà, l'autre qui se met à chanter, puis qui tutoie le maire, puis on se fait une esti vulgaire. Puis avec un raisonnement de même, pas question. C'est quoi son autorité? T'as pas le droit, d'amener la police après moi si moi j'ai pas le droit de l'envoyer après toi puis te sortir quand je veux. C'est pas toi qui run. C'est ça. Québec 2013. Préparez-vous là. Moi je l'ai dit, j'étais un de ceux qui disait le printemps érable aura d'énormes conséquences sur le Québec et la conséquence ça va être le total non-respect de l'autorité policière, professorale. Partout, dans toutes les institutions. On est rendu là. Mais tu sais, avec les conseils municipaux un peu, pas un peu, beaucoup tordus qu'on a vus avant les fêtes, le Mascouche, Laval, Montréal, ceux qui sont passés à la commission Charbonneau, il y a peut-être des citoyens qui se croient dans leur bon droit de l'invectiver des élus municipaux en pensant que c'est partout pareil. C'est sûrement pas partout pareil. First, ils sont sûrement pas tous croches. T'as un bon point que tout ça fait en sorte que les... Bon, il y en a qui vont dire le respect, ça se mérite. Et avec toute la magouille qu'on a eue au Québec, est-ce que les élus méritent notre respect? Encore là, sur le fond, quand même que ce serait le maire, un maire, là, c'est pas le cas de celui de Saint-Bruno, mais mettons, là, d'une autre ville, vraiment un maire qui a aucun bon sens. OK? Vraiment aucun bon sens. Puis il y en a qui ont longtemps pensé dans les dernières années, moi-même, j'étais pas un pro Charest, là. Mais au-delà de l'homme puis des décisions politiques... La fonction. Il est le boss. Il a, pour l'instant, là, c'est lui qui a le bâton. Puis c'est nous autres qui a donné en poste. On a voté pour lui, Charest, pendant des années, puis il y a des gens à Saint-Bruno qui ont voté pour le bonhomme qui est là. Tant et aussi longtemps qu'il a le bâton, tu peux le contester de plein de façons. Je les ai nommés tantôt. Et encore, on n'est pas sous une dictature. Si demain matin, le Québec devient une dictature, on va être le premier à aller dans les assemblées, puis il n'y a personne qui va m'arrêter de crier. Puis je me ferai emprisonner, puis j'irai en dedans. Puis là, on brassera. La journée qu'on va être une dictature. Moi, t'es avec vous autres dans la rue, puis on brassera. Ce n'est pas une dictature, le Québec. On est en démocratie. Vous avez 58 000 façons légales d'exprimer votre colère. Et les gens de Saint-Bruno, amis des hirondelles, là, s'ils veulent fighter, go! Vous avez le droit de donner des entrevues aux médias, faites des pétitions, marchez dans la rue. Je sais, on en a fait. Mais vous pouvez pas dire qu'à l'avenir, on run l'Assemblée municipale. On rentre là, puis on parle, puis on crie, puis il n'y a pas un hostie qui va nous faire fermer la gueule. Exactement un comportement typiquement carré rouge, qui rentrait partout, bloquait des ponts, bloquait des rues. Ben, maudite merde, on leur a donné la victoire. Les médias pis les artistes étaient de leur bord, mais on les a encouragés. Ben là, c'est parti. Cette mentalité-là, est rendue dans la tête des Québécois. Il y a un précédent maintenant, là. Je sais pas où ça va s'arrêter, moi, ça me fait peur. Parce que si eux ont le droit de le faire pis on les encourage, ben là, on rentre-tu à l'Assemblée nationale? On va rentrer dans n'importe quel conseil municipal, puis on crie, puis on chahute, puis on hurle, puis il y a pas... Puis là, les pauvres policiers qui sont obligés de faire la job, eux autres qui vont passer pour les méchants tout le temps. 7h57. Et payez-en des campagnes contre l'intimidation en passant. Dites au monde de pas intimider, de pas menacer. Parce que, mais curieusement, dans tout ce que j'ai lu sur ça, c'est le maire qu'on traite d'intimidateur, qui n'élève jamais la voix, il est jamais vulgaire. Mais quand le citoyen veut rien savoir puis empêche la tenue de la réunion, il demande aux policiers d'y sortir. C'est juste ça qu'il fait le maire de Saint-Bruno. C'est lui qu'on traite d'intimidateur. Exactement comme au Québec. D'ailleurs, le bye-bye a été un bel exemple. Les méchants, ce sont les policiers. Mm-hmm. On n'a pas ri de la violence des carrés rouges au bye-bye. On a même pas planté là-dessus. Trop gentil. Par contre, les policiers ont passé pour du monde qui vargeait partout dans le sketch de départ puis à la fin. Ce sont les policiers qui ont voulu faire respecter l'ordre à Montréal qui sont rendus les méchants. Et les carrés rouges, on a été gentils, là. Le Gangnam Style versus Nado Dubois, ça a été extrêmement gentil, là. 758, si vous avez des commentaires, studio